théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Troisième partie. On ne peut vaincre complètement le mauvais principe qu'en fondant un royaume de Dieu sur la terre. Quoique délivré de la domination du mauvais principe, l'homme moral bien intentionné n'en est pas moins exposé à ses attaques, et s'il veut conserver sa liberté, il faut qu'il soit toujours armé pour le combat. Comme c'est par sa faute qu'il est dans cette position dangereuse, son devoir est d'en sortir par tous les moyens qui sont en lui et d'y employer toutes ses forces. Quand l'homme examine les causes diverses qui l'ont jeté dans ce danger et qu'il y retienne, il observe bientôt qu'elles ne proviennent pas seulement de l'imperfection de sa nature, considérée isolément, mais qu'elles sont plutôt l'œuvre des hommes avec lesquels il a des rapports ou des liens. Les passions qui font de si grands ravages dans ses bonnes et primitives dispositions, ne trouvent que dans la société l'aliment qui leur est favorable. Si dans un tel état de choses on ne peut découvrir aucun moyen de faire servir la société elle-même, à vaincre le mauvais principe pour faire triompher le bon, il est à craindre alors que malgré de grands efforts pour se soustraire à l'empire du mal, l'individu ne soit continuellement exposé au danger d'une rechute. D'après notre opinion, le seul moyen efficace nous semblerait consister dans la création d'une société permanente, dont le but exclusif serait de préserver l'homme du mal, et d'exciter le bien en lui, d'entretenir la moralité, de réunir des forces toujours croissantes par l'extension même de cette société, pour opposer au mal une puissante barrière. L'institution et l'extension d'une société qui subsisterait sous les seules lois de la vertu, pour en faciliter la pratique, et qui embrasserait le genre humain tout entier, est une tâche imposée à l'humanité en général, et un devoir pour chaque homme en particulier. Une association d'hommes sous les seules lois de la vertu, peut être appelée une société éthico-civile, civile en tant qu'elle est sous la loi publique, éthique en tant qu'elle est distincte de la société purement civile, de l'état politique. Celle-ci étant généralement placée sous la loi de la contrainte, a pour but de restreindre la liberté individuelle à de telles conditions qu'elle puisse subsister avec la liberté de tous. La société éthique au contraire existant sous des lois qui ne s'appuient pas sur la contrainte, n'a d'autre but que de combattre le mal intérieur, de faire triompher le bien et le perfectionnement moral. La première repose entièrement sur l'ordre légal, l'autre sur la moralité. L'état de la société est celui de chacun de ses membres en dehors de cette association morale, est l'état éthique de nature, état d'hostilité perpétuelle et réciproque du mauvais principe contre le bon, état dont l'homme, il est vrai, est dans l'obligation de sortir pour devenir membre d'une société morale, sans, toutefois, qu'il puisse y être forcé par contrainte. Dans la société politico-civile, le législateur et la multitude elle-même, réunis en un tout, dont la volonté générale établit la contrainte extérieure et légale. Mais, dans la société morale, le peuple ne peut être envisagé comme législateur, parce que dans une telle association, toutes les lois tendent à inspirer la moralité des actions qui, étant quelque chose d'intérieur, ne peut, par cela même, subsister sous les lois extérieures et humaines. Le peuple ne pouvant donc ici être législateur, il doit y avoir un autre législateur dont les lois ne puissent pas être supposées comme étant originairement le produit arbitraire de sa volonté suprême, car elles ne seraient pas alors des lois morales, et les devoirs qui s'y rattachent ne seraient pas de libre vertu, mais des devoirs légaux, accompagné de contraintes. Dans la société éthico-civile, on ne peut concevoir de législateur suprême que celui auquel tous les devoirs, y compris les devoirs moraux, peuvent être rapportés comme des commandements dont il est l'auteur. Il doit donc être un scrutateur des cœurs pour pénétrer dans l'intimité des sentiments de chacun et pour rendre à chacun selon ses œuvres. Or, comme telle est l'idée de Dieu en qualité de souverain moral du monde, on ne peut se représenter une société morale que, comme un peuple de Dieu, un peuple ardent aux bonnes œuvres, et dont les efforts réunis tendraient à ce que le règne de Dieu arrive, à ce que sa volonté soit faite sur la terre. Une société éthique, soumise à la législation morale et divine, est une église invisible, en tant qu'elle représente l'idéal de la société éthique, qui ne peut tomber sous l'expérience, mais qui sert de type à tout homme qui veut instituer un état moral. L'Église visible est une association réelle des hommes en harmonie avec cet idéal, elle est la véritable Église, parce qu'elle représente dans la sphère de l'expérience l'image de celle qui est invisible. Les caractères particuliers de la véritable Église visible sont les signes, critérium, de sa moralité, tant qu'état moral. Voici quels sont ses caractères. Premièrement, l'universalité, qui comprend l'unité numérique, car, bien que l'Église soit partagée par des opinions accidentelles et soit désunie, il n'en est pas moins vrai qu'à l'égard du but essentiel qu'elle se propose, elle est fondée sur des principes tels qu'ils doivent nécessairement la conduire à se réunir en une seule Église. Deuxièmement, la sainteté, c'est-à-dire l'union, qui n'a que des motifs moraux. Troisièmement, la liberté, soit dans les rapports de ses membres entre eux, soit dans les rapports extérieurs de l'Église et du pouvoir politique. Quatrièmement, la nécessité absolue de sa constitution intérieure, sous la réserve de changer au besoin les dispositions purement fortuites de son administration, sans perdre un instant de vue le but principal. Avec ces caractères, la véritable Église visible sera préservée, premièrement de toute division en sectes, deuxièmement de toutes les faiblesses impures de la superstition et de toutes les extravagances du fanatisme. Troisièmement de tout despotisme, aussi bien de celui que l'Église nourrit sous la mitre, que de celui dont, hors de son sein, les gouvernements sont les fauteurs. Quatrièmement de toute loi humaine purement arbitraire, et par là même variable. Toute Église étant visible et publique a besoin, pour sa constitution extérieure, de faits historiques et de lois réglementaires. La persuasion, fondée sur ces faits, se nomme croyance de l'Église, pour la distinguer de la croyance religieuse qui est purement morale, et comme cette dernière a sa source dans la raison pure, on peut aussi l'appeler croyance de la raison. Pour que la croyance de l'Église se maintienne, s'étende et se perpétue, il est nécessaire qu'il y ait un livre consacré par le respect public qui, en tant que dépositaire des doctrines morales et religieuses, est appelé Sainte Écriture. Comme ce qu'il y a de théorique dans la croyance de l'Église ne peut nous intéresser moralement, s'il n'en ressort point d'ordre divin pour l'accomplissement de tous les devoirs de l'homme. Comme toute croyance historique isolée de ses rapports avec la foi morale est non seulement morte elle-même, mais est encore la lettre qui tue, ce livre, en tant que sainte écriture, ne peut avoir pour interprète suprême que la pure croyance religieuse. Aucun écrit ne saurait être attribué à l'inspiration divine, S'il n'est utile sous le rapport de la doctrine morale, de l'amendement et du perfectionnement. Le sentiment est la façon de penser qui constitue la pure croyance religieuse, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit en toute vérité, et l'on ne peut trouver la vie éternelle dans les Écritures, qu'autant qu'elles témoignent de cet Esprit. Peut-être certains passages de l'Écriture ne pourront être ramenés au principe de la morale, c'est-à-dire de la vraie religion, sans que cette interprétation ne paraisse forcée et même ne le soit souvent en effet. Néanmoins, dès qu'un passage est susceptible d'une telle interprétation, il faut la préférer à la lettre morte qui ne renferme absolument rien pour la moralité, ou qui est même en opposition avec ses principes. De telles interprétations ne méritent pas le reproche de mauvaise foi, à moins que l'on ne veuille prétendre qu'elles reproduisent d'une manière exacte le véritable sens des auteurs de ces écritures. Ce sens est-il littéralement exact, ou ne l'est-il pas? Ce n'est pas la question. La question est seulement de savoir s'il n'est pas possible d'interpréter l'écriture de cette manière. Mais il ne suffit pas de la loi morale pour interprète suprême de l'écriture. La croyance de l'Église a encore besoin d'une autre interprétation, qui doit être subordonnée à l'interprétation morale. Elle lui est fournie par la critique sacrée qui, d'une part, accrédite l'autorité de l'écriture par les preuves historiques tirées de son origine, et, d'un autre côté, facilite aux membres de l'Église l'intelligence de l'écriture par de savantes explications, puisées soit dans la langue originelle de ce livre, soit dans les mœurs, les opinions, les usages du temps auquel il a été écrit. Oui, même aussi des époques auxquelles il a reçu des interprétations qui sont devenues des symboles de la croyance du peuple. Un troisième prétendant soutient encore avoir droit à l'interprétation de l'écriture, il n'a besoin ni de raison ni de savoir, il ne lui faut qu'un sentiment intime pour reconnaître le vrai sens de l'écriture et sa divine origine. Mais si on ne peut, par un sentiment quelconque, juger des lois et de leur moralité, on peut encore moins, par le sentiment, découvrir les signes certains d'une influence immédiate et divine, car plus d'une cause peut concourir à un effet semblable. On ne peut mettre en doute que celui qui s'attache à la doctrine de l'Écriture et fait ce qu'elle prescrit, trouvera qu'elle vient de Dieu. L'homme qui la lit ou l'écoute, se sentant attiré aux bonnes actions et à une conduite loyale, demeurera convaincu de la divinité de sa doctrine. Mais cet attrait n'est que l'effet de la loi morale qui le remplit d'un profond respect, et qui doit par conséquent être considéré comme loi divine. L'Écriture est donc la seule règle extérieure de la croyance de l'Église. Elle n'a d'autre interprète que la croyance de la raison pure et la critique sacrée. La croyance de la raison pure est l'interprète authentique, bon pour chacun, et seul infaillible. La critique sacrée est l'interprète doctrinal par lequel la croyance de l'Église ne peut être maintenue que pour certains peuples et certaines époques. La croyance de l'Église, comme véhicule de la croyance religieuse, est indispensable à une église, et par là même sacrée, mais elle n'en est un véritable véhicule que tant qu'elle ne contient rien de contraire au principe fondamental de la morale religieuse, rien qui ne contribue à la faire accepter et la répandre. Mais aussi comme ces textes, la morale de l'Évangile, par exemple, renferme un principe qui tend à la rapprocher de plus en plus de la pure croyance religieuse, il faut que, se considérant comme un simple moyen d'introduction, Elle travaille elle-même à se rendre inutile et à remplacer, par les sentiments épurés de la morale religieuse, la croyance toujours plus ou moins servile et mercenaire d'une religion constituée. Le passage insensible de la croyance de l'Église à la prépondérance absolue de la croyance religieuse, ou l'ennoblissement progressif de la première par celle-ci, est l'arrivée du règne de Dieu, que les docteurs sacrés ne troublent ni ne retardent, mais qu'ils accélèrent quand ils ne méconnaissent pas les principes de la pure croyance religieuse. Bien que l'établissement réel du règne de Dieu sur la terre puisse être encore fort éloigné, l'on peut cependant dire avec raison que le règne de Dieu est venu pour nous, s'il se trouve seulement un lieu où il soit publiquement reconnu que le principe du passage insensible de la croyance de l'Église à la croyance religieuse a poussé quelques racines. Car, dans ce principe, en vertu duquel s'approche continuellement le règne de Dieu, se trouve contenu, comme dans un germe fécond qui se développe sans cesse, la semence de tout ce qui, un jour, doit éclairer et dominer le monde. Le vrai et le bien qu'il est dans la nature de chaque homme de connaître et d'embrasser de tout son cœur, ne se répandent-ils pas partout une fois qu'ils ont été publiquement manifestés? Quoiqu'inaperçu aux yeux des hommes, un travail continu du bon principe s'opère pour établir parmi le genre humain et sous les lois de la vertu, une puissance, un empire, qui remporte la victoire sur le mal, et par sa domination assure au monde une paix éternelle. Cette discussion philosophique touchant la nature et l'origine du règne de Dieu sur la terre, recevra un nouveau degré d'évidence et de sanction du tableau historique relatif à la fondation et à l'introduction insensible de la véritable Église. La véritable Église visible date de l'époque où la croyance de l'Église commence à reconnaître publiquement qu'elle dépend de la croyance religieuse, et qu'il est nécessaire d'être en harmonie avec elle. C'est par cette raison qu'il ne peut y avoir d'histoire de la religion avant cette époque. On peut prévoir que cette histoire ne sera que le récit de la lutte perpétuelle entre la croyance fondée sur le culte divin et celle qui repose sur la morale. L'homme est toujours disposé à faire prévaloir la première, dont la foi historique est la base, tandis que l'autre n'a jamais cessé de prétendre à l'avantage d'être la seule croyance propre à améliorer les âmes. Prétention qui se maintiendra et prévaudra. Cette histoire manquera d'unité si elle n'est restreinte à cette seule Église, dans laquelle la question, à l'égard de la différence et de l'accord entre la croyance religieuse et celle de l'Église, a été posée publiquement, et a pris un intérêt moral. Il est donc évident que cette histoire ne peut point commencer avec le judaïsme, bien qu'il eût précédé immédiatement la croyance de l'Église dont nous voulons considérer l'histoire, et qu'il ait été l'occasion physique de son établissement. La croyance des Juifs, dans sa constitution intérieure, n'a rien eu de commun avec l'Église, mais elle a été toute politique. Les observations suivantes en fournissent la preuve. Toutes les lois judaïques étaient coercitives et ne concernaient que les actes extérieurs, et même les préceptes des 10 commandements qui, avant d'avoir été proclamés d'une manière authentique, avaient déjà leur valeur morale pour la raison, ne s'appliquent dans ce code qu'aux observances extérieures. Mais l'intimité du sentiment n'y est point prise en considération. Quant aux conséquences de l'accomplissement ou de l'infraction de ces commandements, les récompenses et les châtiments sont, dans le judaïsme, limitées à la vie présente, sans qu'aucune idée morale serve de base à leur répartition. Il devait même s'étendre à une postérité innocente, ce qui, en politique, peut être un moyen adroit d'obtenir l'obéissance, mais en morale, serait contraire à la justice. Une troisième observation porte sur la confession de foi du judaïsme dans laquelle manque non seulement la conviction de l'immortalité de l'âme, mais même celle du vrai Dieu, car le point essentiel de la croyance en Dieu n'est pas l'unité de Dieu qui entre aussi dans la croyance de plusieurs peuples qui honoraient un Dieu suprême au-dessus des divinités subalternes. Il faut, avant tout, se représenter ce Dieu comme le grand dominateur moral du monde, dont la volonté ne peut être accomplie par des actes extérieurs et légaux, mais à laquelle on n'obéit que par l'intimité morale du sentiment. Enfin, le judaïsme est si loin d'avoir été une époque de l'état d'universalité de l'Église, ou d'avoir lui-même dans son temps constitué cette Église universelle, qu'il a au contraire exclu tout le genre humain de sa communauté, se considérant comme un peuple choisi par Jéhovah qui, ennemi de tous les peuples, les avait aussi tous pour ennemis. La base de l'état politique des Juifs fut la théocratie, ou plutôt l'aristocratie des prêtres ou chefs, qui se vantaient de recevoir des instructions immédiates de la divinité. Et quoique le nom de Dieu ait été honoré chez eux, il n'en résulte pas que leur constitution ait été religieuse. Dieu n'est représenté dans leur dogme que comme un prince temporel qui n'a aucun égard aux consciences. Plus les dispositions primitives du christianisme sont opposées au caractère du judaïsme, plus il est évident qu'il occupe le rang de croyance universelle, sainte, libre et invariable, donc l'histoire de la croyance de l'Église doit commencer avec le christianisme. En effet, le fondateur du christianisme a lui-même déclaré comme quelque chose de vain en soi, la croyance servile aux usages du culte, aux formules consacrées à certains jours. La foi qui se manifeste exclusivement par la moralité de la conduite, et sanctifie l'homme par l'intention, est, selon lui, la seule foi qui sauve. Il a confirmé cette doctrine par ses exemples pendant sa vie et à sa mort. Il est donc le premier qui ait ramené publiquement la croyance de l'Église à la croyance religieuse, qui ait fondé la véritable Église, la société morale, et le règne visible de Dieu sur la terre. Cette doctrine de l'Évangile, qui consiste dans la pure croyance religieuse n'a pas besoin, considérée en elle-même, de confirmation historique, cependant s'il était besoin d'un véhicule à cette croyance, si même il en fallait un à la croyance historique relativement à l'origine et au rang peut-être surnaturel de son auteur, il est probable que la sanction donnée par les miracles serait nécessaire. C'est pourquoi, dans la Sainte Écriture, la doctrine de l'Évangile est accompagnée de miracles et de mystères, dont la publication elle-même est encore un miracle, et exige une croyance historique qui ne peut être prouvée que par l'érudition qui doit en déterminer et en fixer le sens. Toute croyance qui, comme croyance historique, se fonde sur les livres, a besoin, pour garantie, d'un public savant au sein duquel elle puisse être contrôlée par les écrivains contemporains, non suspects d'être d'accord avec ses premiers apôtres, et qui soient les anneaux d'une chaîne continuée jusqu'à nos jours sans jamais être interrompue. Or, chez le peuple romain qui régnait alors sur les Juifs, et se trouvait même répandu dans la Judée, il y avait sans doute un public savant par les soins duquel ont été transmis et nous sont parvenus une suite non interrompue d'écrits relatifs à l'histoire contemporaine, Et quoique ce peuple fût peu soucieux de la croyance religieuse de ses sujets étrangers, il n'eût point été incrédule à l'égard de miracles qui se seraient publiquement opérés sous ses yeux. Cependant ce peuple, quoique contemporain, ne fait pas mention des commencements de la croyance de l'Église chrétienne ni des circonstances qui l'ont accompagnée. À peu près une génération plus tard, ce peuple fit quelques recherches à l'égard de la nature de ce changement de croyance qui lui avait été inconnu jusqu'à ce moment, mais il n'en fit aucune quant à l'histoire de son origine. Dès lors, et jusqu'au temps où le christianisme pénétra dans toutes les classes, son histoire est si obscure, que nous ignorons même l'effet que produisait la doctrine de son fondateur sur la moralité de ses coreligionnaires. Les premiers chrétiens furent-ils des hommes moralement meilleurs, ou des hommes d'une trempe ordinaire? On l'ignore, mais, depuis cette dernière époque, son histoire n'est point propre du tout à lui servir de recommandation. On aperçoit alors une exaltation mystique dans la vie des ermites et des moines, une glorification de la sainteté du célibat par laquelle un grand nombre d'hommes devint inutiles au monde, de prétendus miracles qui, à la faveur d'une superstition aveugle, pesaient sur le peuple. La hiérarchie et l'orthodoxie à l'occasion de certains articles de foi divisaient le monde chrétien en parties acharnées. En Orient, l'État tout occupé des règlements du clergé, relatifs à la foi, et de querelles de moines, devient la proie des barbares. En Occident, le prétendu vicaire de Dieu anéantit l'ordre civil et les sciences, châtie les rois comme on châtie les enfants, excite aux croisades, à des hostilités réciproques, dispose les sujets à la révolte contre leurs supérieurs, et fait naître des haines sanglantes pour des différences d'opinion, entre ceux qui professent également le christianisme, etc. Quand on saisit d'un seul coup d'œil cette horrible histoire du christianisme, l'exclamation « Tantum religio potuit suadere malorum », tant la religion a pu conseiller de maux, pourrait être justifiée, si son institution première ne témoignait encore clairement que son vrai et unique but a été d'introduire la pure croyance religieuse, sur laquelle les opinions ne peuvent être partagées. Ces tiraillements qui ont déchiré l'espèce humaine, et qui la déchire encore, proviennent de ce que, par un mauvais penchant de la nature humaine, ce qui, au commencement, devait servir de simple introduction à la croyance religieuse, c'est-à-dire, ce qui devait seulement servir à gagner à la foi nouvelle par ses propres préjugés un peuple accoutumé à une croyance fondée sur des faits historiques, est devenu dans la suite, le fondement de la religion universelle. Si l'on demande quelle est la meilleure époque de l'histoire de l'Église, telle qu'elle est connue jusqu'ici, on peut répondre, sans hésitation, que c'est l'époque actuelle, par la raison que le germe de la vraie croyance religieuse a été déposé dans la chrétienté par un petit nombre, il est vrai, mais ostensiblement, et qu'il n'a besoin que d'un développement libre et insensible pour qu'on puisse attendre l'arrivée de cette Église, qui doit, à jamais, réunir tous les hommes, qui est la représentation visible d'un règne invisible de Dieu sur la terre. Premièrement, la question à l'égard de la différence et de l'accord entre la croyance religieuse et celle de l'Église, n'a jamais été tranchée d'une manière aussi positive qu'elle l'est dans ce moment, où la raison, dans toutes les choses qui, de leur nature, doivent être morales et améliorer l'âme, s'efforce visiblement de se délivrer du fardeau d'une croyance constamment en butte à l'arbitraire de ses commentateurs. Deuxièmement, dans tous les pays de notre continent, les vrais adorateurs de la religion ont commencé à adopter plus ou moins publiquement le principe de la modération dans les jugements relatifs, soit à la défense de tout ce qui s'appelle révélation, soit à sa négation absolue. En conséquence de ce principe, on admet une façon de penser équitable, c'est-à-dire, on admet premièrement qu'un écrit dont le contenu pratique est purement divin, pourrait aussi, dans sa partie historique, être envisagé comme une révélation surnaturelle, puisqu'enfin personne ne peut en contester la possibilité. Deuxièmement, que la réunion des hommes en une religion ne peut s'opérer et être rendue stable si elle ne se fonde sur un livre saint et sur une croyance de l'Église. Il est par conséquent juste et raisonnable, puisque ce livre existe, qu'il serve de base aux instructions de l'Église, et qu'on n'en affaiblisse pas la valeur par des attaques inutiles ou malignes, mais on ajoute, ce qui est juste aussi, qu'on ne contraigne personne à y croire comme à une chose nécessaire au salut. Enfin, par des résultats scientifiques, on est actuellement en état de répandre et de soutenir les maximes suivantes, qui font partie de la croyance religieuse, à savoir, que cette croyance ne s'accorde point avec un fondement historique et n'en a pas besoin, que l'essence de l'orthodoxie consiste dans la persuasion, que les bonnes œuvres ont une valeur absolue, mais que la foi n'en peut avoir indépendamment des œuvres. Markendanarchive.org 2021 d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.